Bonjour, ici Valérie Levé au microphone de CKRL 89.1 et c'est l'heure de Futur Simple, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Transition, c'est un mot qui revient souvent, que ce soit pour parler de transition énergétique, de transition écologique et aussi de transition numérique. Le défi, c'est de faire converger ces transitions et ce sera le sujet de la deuxième partie de l'émission. Mais pour le moment, je vous propose un peu de champignons. Pas pour les manger, mais pour explorer les mycotechnologies, c'est-à-dire les technologies basées sur les champignons. Et pour nous faire découvrir ces mycotechnologies, j'ai invité Félix-Antoine Bérubé-Simard. Il est co-directeur de l'axe de recherche mycotechnologie chez Bioptère. Bonjour Félix-Antoine. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très heureux de parler de mycotechnologie avec vous aujourd'hui. Je suis très curieuse de découvrir ce dont il s'agit. Mais peut-être avant de découvrir donc ces mycotechnologies, présentez-nous Bioptère. Qu'est-ce que c'est Bioptère? Certainement, en fait, Bioptère, c'est un des 59 CCTT, centres collégiaux de transfert des technologies, qui tapissent la province, en fait. Et comme le nom l'indique, centres collégiaux, en fait, ils sont affiliés à des cégeps. Mm-hmm. Dans le cas de Bioptère, c'est le cégep de l'Apocatière. Puis, en fait, si on compare avec la recherche universitaire ou les universités qui, généralement, ou je dirais historiquement, font davantage de recherches, je dirais, indépendantes et pas nécessairement fondamentales, mais dont les répercussions ou les résultats sont généralement applicables à moyen ou long mm-hmm. terme. Dans le cas des CCTT, en fait, on accompagne, le but, c'est de promouvoir ou d'aider les compagnies, les industries, les entreprises, principalement québécoises, mais toute entreprise, en fait, à devenir compétitive au point de vue provincial, international. Donc, voilà. Et puis, donc, pour ça, donc chaque CCTT a une spécialité? Exactement. Il y a quand même un peu de recoupement, mais... Ouais. Les CCTT essaient de pas faire compétition envers les autres, donc chacun a un peu son créneau de recherche là en fait. Bioptère, c'est les bioproduits, je dirais essentiellement agro-environnementaux, mais en fonction des différents départements, et les mycotechnologies s'y prêtent bien. On fait aussi mm-hmm. un peu de cosméceutique, nutraceutique et pharmaceutique, comme on sait que les champignons peuvent avoir des vertus à ces niveaux-là. D'accord. Mais historiquement, c'était vraiment des bioproduits agro-environnementaux en fait. D'accord. Donc ça veut dire que dans les CTTT et selon donc leur spécialisation, il y a une équipe de recherche, des chercheurs, puis de l'équipement aussi de recherche, l'équipement pour faire des expérimentations. Et tout ça en lien avec des industries locales ou pas qui ont ces mêmes domaines de recherche, du moins le même domaine industriel. Oui, tout à fait. D'accord. La vocation, en fait, on essaie quand même de valoriser la région dans laquelle on se trouve. Donc, il y a beaucoup de local, mais par exemple, pour Bioptère, on a des clients, là, des entreprises qui font leur recherche et développement avec nous un peu partout dans la province. On a mm-hmm. certains clients aux États-Unis aussi. Là, donc, C'est intéressant parce qu'on parle souvent de la recherche universitaire et on oublie totalement qu'il y a aussi un pan de recherche associé au cégep. Donc, je suis très heureuse, Félix-Antoine, que vous soyez ici pour faire connaître un petit peu cette recherche qui se fait dans les cégeps. Et là, rentrons dans les mycotechnologies. Donc, qu'est-ce que c'est ces mycotechnologies? En fait, oui, c'est un terme comme les racines des mots, vous comprenez, là, c'est des biotechnologies puisque les champignons sont vivants. Donc, c'est des technologies qu'on dit fongiques ou des technologies développées à partir des champignons. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont de si particulier, ces champignons, pour qu'on puisse en faire des technologies? Oui, c'est une excellente question et ils ont beaucoup... Évidemment, je prêche pour ma paroisse, là, comme on dit. On les aime beaucoup, les champignons, chez Bioptère, et ils ont beaucoup de spécificités qui en font je voudrais pas dire un produit, mais en fait des très bons usagers pour faire des biotechnologies. Les bactéries aussi, là, soit dit en passant, mm-hmm. puis je fais le rapprochement pour parler d'un des avantages de ces champignons. En fait, c'est la simplicité, si on veut. Donc, c'est des organismes simples, les bactéries unicellulaires, les champignons. Ben, les champignons, je vais parler majoritairement là, des champignons pluricellulaires, mais il y a les levures, entre autres, là, qui font mm-hmm. le pont entre les deux, qui sont des, considérés comme les champignons unicellulaires. Mais leur simplicité fait en sorte que sont relativement fragiles, si on veut, aux expositions de toutes sortes. Mais en étant fragiles, puis là, c'est mon chapeau de spécialiste de l'ADN et du cancer, entre autres, qui parle, mais comme ils sont fragiles, ils vont être sensibles aux modifications de leur environnement et des contaminants. Donc, à petite dose, ils réagissent rapidement. Donc, ils vont se modifier, en fait, pour être capables de survivre. Donc, ceux, quand la dose est trop élevée ou trop rapide, ils peuvent mourir vu qu'ils sont fragiles. C'est des unicellulaires, donc ça pénètre rapidement. Mais ceux qui survivent, la résilience, en fait, écologique fait en sorte qu'ils veulent ramener à l'équilibre. Donc, ils développent toutes sortes d'astuces métaboliques pour pouvoir utiliser certaines choses de leur environnement. Donc, leur plasticité en fait des très bons candidats pour les biotechnologies parce qu'ils peuvent répondre à une gamme très importante de problématiques, entre autres. Avantage par rapport aux bactéries des champignons, c'est leur structure. Donc, ils peuvent en fait s'étendre comparativement à une bactérie qui pousse, je veux dire, de façon... Ils peuvent faire des biofilms, là, mais les champignons font souvent du mycélium. Mm-hmm. Ils peuvent s'étendre sur une très grande distance. Puis ça peut être aussi utile, cette propriété physique, pour... on pourra en reparler un peu plus tard. J'imagine qu'on va discuter de la remédiation, là, mais dans un principe de remédiation, ça peut faire un genre de filet là, pour capter. C'est ça, le mycélium peut faire comme un filet pour capter. Donc là, vous parlez de remédiation, ça veut dire qu'on est dans le domaine des décontaminations. Exactement. Mais sauf que de la phytoremédiation, comme on entend parler des fois, donc de la remédiation par les plantes, là, c'est de la remédiation par les champignons. Exactement, puis la plante qui est quand même un peu plus, je dirais, localisée physiquement, oui, elle peut étendre son niveau de mm-hmm. son niveau de racine, mais le champignon peut prendre une très très grande distance, et si on parle de contaminants d'eau d'écoulement, ben il serait en contact sur une plus grande distance avec ce contaminant-là, donc aurait plus de chances de capter ou de bio-remédier. Là. Donc, c'est un avantage aussi pour les champignons. Et pour faire le lien avec ce que vous disiez précédemment, donc, ces champignons qui ont une certaine plasticité, une capacité de s'adapter à leur environnement, donc de trouver la recette ADN pour décontaminer ou pour résister à des contaminants et réussir à les décontaminer finalement. Exactement, oui, c'est exactement ça. Puis leur simplicité fait en sorte aussi, tu sais, la nature fait très bien son travail d'elle-même. Comme j'ai dit, la résilience écologique, souvent, si on revient à l'état d'équilibre, sans activité humaine, on peut avoir une certaine décontamination ou un retour à un environnement, je dirais, sain. Mais leur simplicité permet aussi de les modifier génétiquement. Ah oui? Donc, si je prends les levures, par exemple, je sais pas si vous aviez entendu parler, mais il y a des compagnies qui ont modifié, en fait, les levures pour leur faire sécréter des cannabinoïdes, donc le CBD, donc plus besoin du plant. On produit ces molécules thérapeutiques-là avec, avec la levure. Donc, il y a moyen de jouer avec leur bagage génétique aussi pour les diriger vers une fonction qui serait pas normalement présente, ce champignon-là. Donc, leur simplicité est aussi un atout pour les biotechnologies. Mais là, donc, les champignons, ceux qui font du mycélium, c'est pas les levures, par contre. Là, on est plus non, dans des... Non, exactement, oui. Donc, il y a d'autres types de champignons que vous utilisez, mais c'est pas forcément les petits champignons blancs qu'on mange, là, c'en est d'autres. Ben, en fait, c'est drôle parce que les champignons blancs peuvent être utilisés aussi, là. Ouais. Tous les champignons... ont un potentiel d'être super intéressant pour les biotechnologies, que ce soit les champignons qui fructifient, les champignons qui ont mauvaise presse, qu'on appelle moisissures, mm-hmm. principalement, ou champignons microscopiques, ont aussi un intérêt. D'ailleurs, les champignons qui fructifient, hein, il y en a à peu près 10% de toutes les espèces de champignons. C'est estimé, c'est peut-être sous-évalué ou surévalué, mais en ce moment, on pense qu'il y a environ 10% des champignons qui fructifient et 1% au total ou 10% de ce 10% qui serait comestible. Donc, il y a une panoplie de mm-hmm. champignons avec des fonctions différentes, mm-hmm. en fait. Ils sont tous utilisables en fonction de leur métabolisme, ouais. en fait. On peut tirer avantage. Ouais, mais reste à découvrir en quoi ils sont intéressants pour nous. C'est peut-être ça la clé aussi. Tout à fait. Ben oui, c'est la clé. On découvre des utilisations un peu... comme une partie de la science est faite aussi par hasard. Donc, on trouve un champignon pour revenir à l'exemple de la biorémédiation ou de la mycorémédiation. Par exemple, à Tchernobyl, dans les turbines, ils ont découvert des champignons qui poussaient très bien dans ces endroits, puis ils s'y sont intéressés, puis en fait, ils ont découvert que le rayonnement les stimulait et ils pouvaient en absorber une partie. Donc, cette implication-là, en fait, présentement, il y a des combinaisons spatiales pour les rayonnements, en fait, dans l'espace, donc qui sont... Il y a un intérêt pour mettre des champignons pour faire un mycotextile pour recouvrir les combinaisons spatiales. Donc, vous voyez, ça n'a pas été réfléchi de cette façon-là initialement, mais un peu par hasard, on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt. Puis, alors, en explorant un petit peu le site de Bioptère, j'ai été surprise parce que je vois qu'il y a aussi de la recherche sur les champignons marins. Puis moi, j'imaginais pas qu'il y avait des champignons marins. Écoutez, c'est une super histoire et effectivement, on surprend beaucoup de gens lorsqu'on parle de champignons marins. Évidemment, même des océanographes qui étaient, je dirais, instinctivement savaient qu'il y avait des champignons, mais on les connaît très peu, puis c'est pas vraiment des champignons qui fructifient dans ce que on pense pas à un champignon qu'on peut cueillir mm-hmm. normalement. Mais effectivement, ça, c'est une très belle aventure. C'est parti d'une initiative, en fait. Nous, on s'intéresse beaucoup aux champignons du Saint-Laurent, du fleuve Saint-Laurent, parce que c'est un environnement complexe, donc, et hostile. Il y a un degré de salinité dans le fleuve Saint-Laurent, des températures relativement froides, certains niveaux de profondeur. Donc, en fait, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas y trouver des champignons qui auraient une utilité industrielle de par les enzymes que ces champignons-là sécrètent? Donc, si... toujours la même histoire que je raconte quand je parle des champignons marins, mais vous savez, une des problématiques que plusieurs... édifices ou aux industries ont qui leur coûtent beaucoup d'argent, c'est les gens qui jettent du papier brun dans mm-hmm. les toilettes. C'est ça, mm-hmm. le papier-là a été réfléchi pour ne pas se défaire facilement à l'eau. Donc souvent, on bloque les canalisations, puis ça coûte beaucoup d'argent aux compagnies pour en plomberie puis pour changer les tuyaux. Mais si on était capable de trouver des enzymes qui dégradent la cellulose ou ce genre de papier, mais qui agit à très basse température, comme dans le fleuve Saint-Laurent, en fait, on pourrait avoir une solution enzymatique qui provient des champignons qui pourraient aider à déboucher ces toilettes-là. Donc, c'est un peu cette logique-là. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait virtuellement rien de connu sur les champignons du Saint-Laurent. Puis, effectivement, on connaît beaucoup plus les bactéries aquatiques que les champignons. Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations sur ces champignons, mais c'est une source de plusieurs choses, ces micro-organismes marins, notamment... pour des molécules actives au niveau pharmaceutique aussi. Donc tout un monde à découvrir avec ces champignons marins. J'aimerais qu'on avance un petit peu dans le domaine de la mycorémédiation. Donc, quels sont les projets? Qu'est-ce qu'on peut décontaminer? Quel type de molécules ou de matériaux on peut décontaminer avec les champignons? Ben, je dirais qu'on peut virtuellement décontaminer... une très grande proportion de contaminants et, je dirais, de matière ou substrat. Parce qu'en fait, il y a deux approches deux modes d'action de ces champignons sur la biorémédiation. Il y a les champignons qui vont accumuler les contaminants. Donc... qui ne les dégraderont pas nécessairement, mais qui vont... Il y a des super accumulateurs, mm-hmm. donc qui vont accumuler les contaminants, pardon. Puis il y a ceux qui vont utiliser ces contaminants-là comme source de carbone, en fait. Donc, le carbone est présent dans plusieurs composés, comme vous le savez. Puis, des fois, ça s'apparente à leur, aliments ou sources nutritives. Certains contaminants ont une structure qui se rapproche de ce qu'ils mangent normalement. Donc, ils vont les attaquer pour... Ils ont les enzymes qu'il faut pour les attaquer, les dégrader finalement. Exactement. Donc, les dégrader à l'occasion en composés moins toxiques ou... avec l'aide, parce qu'en fait, c'est quand on fait de la mycorémédiation, je dirais, sur en site, ben il y a les autres acteurs, hein, il y a les plantes, il y a les bactéries, donc tous ensemble sont, dans certaines situations, sont capables de, en différentes étapes, d'accumuler et de dégrader les contaminants pour en enlever une très grande partie. Donc c'est les deux approches là. D'accord. Et là concrètement, en fait, parce que là ça a l'air, on est encore dans la théorie, mais concrètement, j'aimerais ça savoir, vous décontaminez quoi avec les champignons? Ben on décontamine des traverses de chemin de fer, donc le créazote qui se retrouve en fait, ce qui est un agent de conservation pour qu'on n'ait pas à changer ces traverses-là trop souvent, donc pour qu'ils résistent aux intempéries. Ce genre de molécule peut être attaqué par les champignons. Les hydrocarbures aussi, là, c'est bien connu maintenant, là, donc on peut décontaminer certains hydrocarbures, là, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP, comme sont dégradés par plusieurs champignons, dont des champignons comestibles. Puis des contaminants de colorants de textiles chimiques, en fait. J'ose presque dire qu'il n'y a pas vraiment de limite là, à la décontamination de produits. C'est vrai qu'il faut que ça soit... Plus c'est complexe, plus il faut faire agir d'intervenants et des fois supplémenter avec des enzymes ou certains produits. Là. Mais on peut dégrader, vraiment une multitude. Que ce soit en sol, en bioréacteur aussi, on peut, pour certains contaminants, parce que certains problèmes, des fois, c'est que sur le site, on ne peut pas vraiment y aller. Là, donc, on peut sortir des contaminants d'un site, les décontaminer en bioréacteur ou faire même des biofiltres, si on veut décontaminer, ben de l'air, ça prend un substrat pour que le champignon pousse, là, ou un attachement physique, donc le champignon ne décontamine pas nécessairement de façon naturelle les airs, mais on peut utiliser des dispositifs, même chose pour l'eau, pour décontaminer. Ah oui. D'accord. Mais là, revenons-en donc aux traverses de chemin de fer avec le créazote. Oui, d'accord. Comment on fait? On applique le champignon, on met le champignon sur les traverses, ou alors on récupère les traverses, on les met dans un gros incubateur, je sais pas, avec les champignons, comment on fait? Ben oui, en fait, c'est une excellente question. Il faut faire attention aussi parce que c'est un produit, en fait, toxique, là, le créazote, et c'est généralement... lorsqu'on est rendu à la décontamination, hein, c'est des vieilles traverses et on veut plus les utiliser, là. Donc ça sert pas, je dirais c'est plus ou moins utile de les décontaminer sur le site même. Donc souvent ce qu'on fait, c'est qu'on les apporte, en fait c'est beaucoup des projets pilotes ou études pilotes, là, c'est des tests, mais il faut aussi rendre le contaminant qui est à différents niveaux à la surface, à l'intérieur. Donc souvent ce qu'on fait, c'est qu'on fragmente ces traverses-là pour décontaminer le bois, pour après pouvoir le valoriser si la quantité a été suffisamment diminuée, s'il est rendu, je dirais, sécuritaire pour d'autres utilisations, on peut la valoriser dans différentes avenues, mais sinon c'est de le diminuer pour s'en débarrasser de façon la plus éco-responsable par la suite. Donc on fait des copeaux, en tout cas on le réduit en petits morceaux. On inocule avec les champignons, d'accord. Soit des champignons qu'on retrouverait pas, mais ce qui est bien, c'est encore une fois la fameuse résilience écologique, hein, c'est que ces traverses-là, en attendant, des fois il y a quand même en étant en contact avec l'environnement puis en étant à l'extérieur, il y a des champignons qui poussent naturellement dessus, et donc on découvre aussi des nouveaux champignons qu'on n'aurait pas nécessairement pensé qui auraient pu être efficaces pour les décontaminer. C'est ça, on se dit si les champignons poussent sur ces traverses contaminées au créosote, c'est qu'ils sont capables de faire quelque chose peut-être avec... elles supportent le créosote. Exact. Minimalement, on ne va pas tuer le champignon en le mettant en contact avec le créosote. Ouais. Et peut-être que non seulement elle le supporte, mais qu'en plus, elle le dégrade. Exactement. Ouais, d'accord. Donc là, après, on s'amuse à chercher quelle est la souche qui est dégradée. Qui est la plus efficace, exactement. D'accord. Donc, c'est ça que vous faites. Donc ça nous donne une idée quand même du potentiel des champignons pour, dans le domaine de la mycorémédiation, de la décontamination. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des matériaux aussi. On peut faire des matériaux, des mycomatériaux. Donc, quel type de matériaux? Ouais, hein, c'est presque surréaliste. On a l'impression qu'on peut tout faire avec ces champignons et c'est pas loin de la réalité. Encore là, on peut aller dans plusieurs sens. Hein. On joue un peu avec les compositions puis les espèces des différents champignons. Donc, pour donner un exemple, les champignons sécrètent une molécule qu'on appelle la chitine, mm-hmm. qui est partagée avec les insectes et les mollusques, en fait, ce qui fait l'exosquelette, là. Donc, cette molécule-là, en fonction de la quantité, hein, on peut jouer sur... en fonction de l'espèce du champignon sur sa rigidité, puis en le transformant, donc on peut aller dans le mycotextile, dans quelque chose de très souple. Puis je vous ai parlé en fait des combinaisons spatiales, mais seulement pour des pantalons, il y a plusieurs compagnies maintenant qui ont remplacé le cuir par un mycocuir. Ah ouais, donc puis ça se dégrade pas, ça reste quand on le met au lavage, on est encore un peu tôt là, mais les tests qui ont été faits, et je suis persuadé qu'ils ont lavé et surlavé. Là, mais ces pantalons-là sont vendus et semblent avoir une durée de vie pour l'instant très similaire aux autres cuirs. Là. Donc, donc ça, on est dans le, je dirais, le malléable, mais on peut aller vers le plus résistant. Puis ce qui est fait en ce moment, les mycomatériaux, que ce soit pour usage... si on pense à des abat-jour ou à une texture qui est, je dirais, semi-résistante, donc on peut se rapprocher un peu du polystyrène, mais plus lourd, là. Donc ça, c'est un autre parlant du polystyrène, en fait. Donc on peut aussi aller... Il y a beaucoup d'études, c'est un peu plus compliqué en ce moment de se rendre vers quelque chose de moins dense, mais on rêve de pouvoir remplacer les polystyrènes dans l'emballage, l'isolation, et donc c'est un pan de recherche qui est très, très actif en ce moment au niveau des mycomatériaux. Et finalement, il y a le plus résistant, là, quand on parle de mycomatériaux, je dirais construction, donc des briques en mycomatériaux. Carrément. Des briques en mycomatériaux ou du matériel insonorisant. Là. Donc, on a tous les pans de rigidité pour différentes applications. Là. Donc, et comment on fait, en fait? C'est le champignon, c'est le mycélium lui-même, hein, on le met dans un moule et on dit au champignon de pousser, d'occuper le moule. Il est transformé aussi. Là. Il y a du séchage, il y a plusieurs vagues dans le procédé. Mais oui, on prend une matrice, sur lequel on veut le faire pousser, ce qu'on appelle des biomasses, là, donc mm-hmm. quelque chose qui va servir de nourriture et de support aux champignons. Et oui, on utilise des moules pour lui donner une forme, on le compte avec différents procédés de compaction et de chauffage, là, on lui donne un peu les caractéristiques physico-chimiques qui nous intéressent. Donc voilà. Et donc en tout cas, ça fait beaucoup de choses qu'on peut faire avec les champignons, puis il faudrait pas oublier quand même les champignons en tant qu'aliment. Est-ce que c'est aussi une avenue de recherche que vous avez à Bioptère? Tout à fait. En fait, on est quelques départements. L'alimentaire est historiquement été couvert par le département PFNL, donc produits forestiers non ligneux et agroforesterie, donc les champignons gourmets forestiers. Nous, on s'y intéresse en environnement un peu plus contrôlé, donc chambre de culture pour les gens qui ont des champignonnières. On a des projets de truffes aussi, pour comprendre la dynamique avec le sol, puis la truffe pour les truffes nord-américaines. Il y a le pendant, augmenter les quantités protéiques ou les molécules à valeur ajoutée qu'on peut. Donc, c'est à mi-chemin entre l'alimentaire puis le nutraceutique pharmaceutique, exactement. Donc, ça fait quand même beaucoup de projets de recherche qui se passent à Bioptère. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire tant de choses avec les champignons. On découvre tout un monde. Alors, merci beaucoup, Félix-Antoine Bérubé-Simard. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je rappelle que Félix-Antoine est co-directeur de l'axe de recherche mycotechnologie chez Bioptère.